J'ai manqué max au quart de tour. Je veux plus rien de toi. Vas-y garçon, ouais, j'emmerde. Je suis loin de tout, l'accent ça vient, ça part. Un peu comme tout. Tu es mon crâne, me dis je veux faire comme toi. Je leur dis tu sais dans ce monde faut avoir un cœur en bois. Un mental de fer, beaucoup croire en soi. Tu sais j'suis pas un enfant mais j'suis vrai quand j'bois. Sexe, drogue, monnaie, alcool. Braquage, poursuite, pas de bol. Esquive les vite la jolle. La juge, la cellule, le pactage, y'a le bol. Et on check y'a pas, y'a le shit, la feuille. C'est chargé une folle mais y'a le pic la mouille. Ils demandent ton nom, faut pas que tu me papouilles. Et demande à boy, quand j'suis ça il t'accolle. Eh ouais connu, j'crois qu'on est d'accord. Monte de poids, de toi, de feu, d'accord. Tout sa famille, moi tout sa famille. Tu me verras masqué derrière ta porte. Quand je vais barrer au péage, je suis nerveux et j'ai rap. Parce que j'ai ces acteurs comme au théâtre. Ouais, je vis pas dans l'idéal. Je fais comme je veux, comme je peux, comme je t'écoute. Ça, ça fait des plans idéal. Moi je veux les euros qui n'en veulent pas. Moi je fais pas le héros, je me la pète pas. Ouais, tu me prends pour un verrou, mais on verra. Je sais qui rira le dernier, ne t'inquiète pas. Je vais mourir, c'est sûr, c'est certain. Je vais me faire désolé si je prends plus à certains. Je ferme les picots et rigoler pas de ma life. Je fais de gros pétards de peu quand je bouge la night. Oh oui, tout va mal. Oh oui, tout va mal. Trap, trap, décale, je suis trop vite, c'est dalle. Mon cœur Tinder, il me reste une pédale. J'ai branché une nuit, c'était un pétard. J'étais en port, je suis revenu la boire à un MPK. Les gens, ça vole, comme je fuck l'état. Parano, je dors avec ma beuh, mon Beretta. Je suis tout seul, et ouais, ça faut qu'elle sache. Bientôt, je vais sortir avec un péril, une sache. À venir gâcher, si je les écoute, si je les écoute, le temps s'écoule. Je peux prendre mon tour, y'aura qu'un joule. Celui qui perd sans sachant tout faire, elle baisse ses couilles. Perdre une tête, ça joue à une patate. À une patate, à une patate, à une patate.